J'ai pas changé, tu m'aimes, je reste avec tous mes carnalitos. Tu peux me trouver à la place en train d'écrire dans une métrio. Je reste à la vie toujours, je regarde pourquoi ça crie. Soit que ça c'est pas où tu sais, alors je fais un gros trio. Fils de pute, fais gaffe, toi sans faire esprit, tu donnes des tuyaux. Je vais voir ce qui va t'arriver si tu fais pleurer, madre mia. Mamma mia, dans la zone ça traîne nous dire. Lâche-toi une fois, on sera où tu es. Appelle-moi Enrico, sur toi je vais l'hélico. Despacito, despacito, les petits dépouilles ta tête sont passés un peu mécaniques. Automatique, c'est comme si t'enlevais les balles aux drogues aux Galiciens. Big up tous mes voleurs qui font courir sur Jean Gartin. 3-5, c'est pas de couteau calibre, ça arrête de faire dans Marcel. C'est plein de salade, chic sans cali, chic ça loupe. Je sais que ça se laisse, ça me dit que ça me love. Mais quand même, je trouve ça louche, je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Rien que ça rage, rien que ça flash, ça dit ça me chasse. Les gens, je connais même pas leur ganache. Drôle de manège, ça se croit indécis. Ça fastille sur la neige. Je garde un TDM en lambeau ou même à patte. Je tape dur, là si je veux, je m'achète mon billet sur Mars. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer vite. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer vite. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Viens voir sur ma ceinture, viens voir sur ma statue. Viens voir sur ma statue, la crise dans des pépins en Versailles. Moi j'ai pas la patience, moi j'ai pas la patience. Tes manières ça sent la patience. Ça jalouse de moi fort, tu veux me jeter le mauvais sort. Moi j'suis un mauvais oeil quand j'suis dans le merco compresseur. T'es l'élève, j'suis le professeur et j'sais que si tu travailles juste moi, tu peux être le patron, ton salaire je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. J'traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Ángeles, encuentra esa mierda de gringo, vivo o muerto.